إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، نواصل إن شاء الله في القراءة. فقال المؤلف حفظه الله تعالى في المسألة 77، قال: أذكر الركوع والسجود. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، أخرجه مسلم. وأدنى التسبيح في الركوع والسجود 3 تسبيحات، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه. وليكثر في ركوعه من الذكر، ويكثر في سجوده بعد التسبيح المذكور بين الدعاء من الدعاء. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فكمن أن يستجاب لكم، أخرجه مسلم. Donc l'auteur l'a dit dans le 77e point, les invocations lors de l'inclinaison et de la prosternation. Au recours, c'est l'inclinaison, et sujoud, c'est la prosternation. D'après Huzaifa, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son recours, Subhanallah al-Azim, qui serait traduit par gloire à mon Seigneur l'immense. Et dans sa prosternation, il disait, Subhan Rabbil A'la. Subhan Rabbil A'la, qui est gloire à mon Seigneur l'élevé. Le plus haut. Al-A'la, c'est le plus haut. Ou le très haut. Naam. Apporté par Muslim. Et le plus petit nombre de glorifications, c'est-à-dire le fait de dire Subhanallah, Subhan Rabbil Azim, ou Subhan Rabbil A'la, dans l'inclinaison ou la prosternation, est de 3. Cela est établi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela par assemblement des voix du hadith. C'est-à-dire le hadith, il a été rapporté par différentes voix, et en ajoutant toutes ces voix, on en a déduit qu'il n'y a pas moins de 3 fois. Et qu'il multiplie les invocations dans son inclinaison, rukou, ainsi que dans sa prosternation, sujoud. Après les glorifications mentionnées, et la preuve c'est le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque, quant à l'inclinaison, glorifiez-y le Seigneur Azza wa Jal. Et quant à la prosternation, invoquez-y assidûment, c'est-à-dire beaucoup, car c'est un moment propice à y être exaucé, apporté par Muslim. Donc là, dans cette mas'ala, l'auteur évoque les invocations minimum à dire lors du rukou' et lors du sujoud. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont les plus connues et les plus faciles à retenir. Alors du recours de dire 3 fois, au minimum, Subhan Rabbil Al-Azim. Alors du sujoud, de dire 3 fois minimum, Subhan Rabbi Al-A'la. À savoir que les invocations, pour celui qui est capable de les faire dans la salat, il ne faut les faire qu'en arabe. Ne pas aller regarder la traduction et après les dire en français, ou autre langue, Arjamiya. Il faut les prononcer en arabe. Et apprendre ces invocations-là, c'est très facile. Au pire, si quelqu'un a du mal à, par exemple, car les livres contenant les invocations en phonétique sont trompeurs pour la prononciation des lettres. Donc le meilleur, c'est d'aller voir quelqu'un qui sait parler l'arabe et de lui demander d'apprendre à prononcer ces invocations-là, tout comme on a appris à faire la Fatiha, ou les Zalika, et après les prononcer lors de la salat. Et vu au nombre de fois qu'on les prononce dans la journée, Inch'Allah, ça va rentrer. Bismillah ta'ala. Donc en fait, le hadith qui stipule qu'il faut le dire 3 fois minimum, c'est un hadith rapporté par Ibn Mas'ud, par l'imam al-Tirmidhi. قال إذا ركع أحدكم فليقول 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدنى وإذا سجد فليقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات وذلك أدنى. qu'il est dit, sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous s'incline, alors qu'il dise trois fois, subhanallah bil azim, et cela est le minimum. Et s'il se prosterne, qu'il dise subhanallah bil a'la, trois fois, et cela est le minimum. Et Cheikh Abdul Raqib, il dit que ce hadith, à la base, il est faible, car il y a une coupure dedans. D'accord? La chaîne de narration est coupée à un moment. Entre le rapporteur, l'un des rapporteurs, et le sahabi, Abdullah bin Mas'ud, qui n'a pas entendu de lui directement. Cependant, il dit que Cheikh Yahya, que le hadith est renforcé par d'autres témoins qui l'affirment. D'autres hadiths vont dans le même sens, juste pour le renforcer. Donc de là, comme cela vient dans la règle du hadith, le hadith peut être pris comme argument. Et là, on voit que le soujoud est un moment pour l'invocation, pour le dua, car c'est un moment où Allah subhanahu wa ta'ala répond le plus, lorsque le serviteur est prosterné. وجاء في حديث عن مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Que le plus proche ou le serviteur l'est de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Donc c'est un moment où il faut faire beaucoup d'invocation. Après avoir fait le tasbih pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'invoquer énormément. Et les sajadat, prosternation, sont les choses qu'il a en degré, comme cela est venu dans les hadiths. لم تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجات. Que tu n'étais pas prosterné pour Allah sans que tu ne sois que tu n'aies été élevé en degré. Là, c'est une chose qui remet en évidence une erreur que l'on voit chez beaucoup de gens qui, lorsqu'ils prennent la salat en cours et qui trouvent par exemple l'imam et ceux qui sont derrière lui en soujoud, ils restent debout et attendent que l'imam se relève et que les gens se relèvent pour faire la salat avec eux. Et ça, c'est une erreur. Car ça s'oppose à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans le hadith de Anas ibn Malik ou de Aïcha, قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فركعوا فإذا سجد فسجدوا وغير ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'imam n'a été mis que pour qu'on le suive. Donc s'il s'incline, inclinez-vous. S'il se prosterne, prosternez-vous. Donc il est obligé de suivre l'imam. Donc quelqu'un qui vient au masjid, qui voit les gens qui ont déjà entamé la salat, qui les trouve par exemple en sujoud, c'est pas il attend sur le côté ou au milieu du rang, en attendant qu'ils se relèvent pour entrer avec eux. Il rentre automatiquement dans la salat avec eux. Il est obligé de suivre l'imam. Et en plus, qu'en est-il? Des gens, on dirait que pour eux, faire une sajada, c'est fatigant, donc j'attends qu'elle se termine pour pouvoir me prosterner. Mais subhanallah, ça c'est une erreur, elle est quand même surprenante. Le sujoud, c'est une ibadah. C'est le moment où on fait le plus de dua, où il y a plus d'espoir d'être exaucé, et les jeunes restent debout. Ils attendent qu'elle soit terminée pour pouvoir rentrer. Et en plus, c'est une cause qui aide à être élevé en degré, comme on l'a expliqué dans le hadith. Donc ça, c'est une erreur. Et beaucoup d'awam, ils font ça. Des gens de la masse qui font beaucoup cela. On dirait qu'ils ont la fainéantise, la fainéantise de devoir se prosterner pour avoir à se relever tout de suite. On dit, tu te prosternes. Allah subhanahu wa ta'ala le voit et c'est compté comme bonne action. Non. Donc là, c'est un tambien à faire attention. ثم قال في المسألة الثامنة والسبعين قال ما يقول الإمام والمنفرد بعد الرفع من الركوع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. الحديث متفق عليه وفيه الأمر بتكبيرات الانتقال. 78e point. Il dit l'auteur, que dit l'imam et celui qui fait la salat seul après s'être relevé du recours, de l'inclinaison. C'est-à-dire celui qui prie, celui qui fait la salat tout seul, chez lui, au masjid ou quoi, il se fait office d'imam lui-même. Donc il lui incombe ce qui incombe à l'imam qui dirige la salat en groupe. Mais lorsqu'il est par contre, il est derrière l'imam, ce n'est pas les mêmes règles. Donc là, c'est le même cas, celui qui fait une salat tout seul ou l'imam qui fait la salat en groupe, les deux s'appliquent sur eux les mêmes règles. Donc il dit, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour la salat, faisait le takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, lorsqu'il était debout. Puis faisait le takbir lorsqu'il s'inclinait. C'est-à-dire une fois que l'imam a fini de lire la Fatiha, après de lire un peu ce qu'il y a de Coran, si jamais c'est dans les deux premières rakat, ou même si jamais c'est la deuxième, juste après la Fatiha, il fait un takbir, il dit Allahu Akbar. Ensuite il s'incline. Dans l'inclinaison, il dit, comme on a pris dans la masala précédente, Subhanallah Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim, trois fois. Après l'auteur, il dit, après il se relève du recours en disant, Sami Allahu liman hamida, qui veut dire, Allah a entendu celui qui le loue. Et en réalité, ce serait plutôt Allah exauce celui qui le loue. Car en arabe, Sami Allahu liman hamida, le verbe Samia qui veut dire entendre, n'a pas besoin d'un harf au jar. Normalement, on dirait Sami Allahu man hamida. Donc là, il y a un harf au jar qui est venu sur le mot man qui veut dire qui. Et notre cher Abou Bil al-Hadrami, Hafizallahu Ta'ala, a donné la fa'ida qu'en réalité, le verbe la Samia, ça veut dire istajaba, que Allah a répondu à celui qui le loue. C'est ça le vrai takdir, le vrai sous-entendu qu'il y a. Mais ça, ce sont des subtilités qu'on peut déduire qu'avec la langue arabe. En français, ça n'apparaît pas. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il se relève, il dit « Sami Allahu liman hamida ». Et lorsqu'il redresse sa colonne vertébrale de l'inclinaison, il dit par la suite, après avoir dit « Sami Allahu liman hamida », il dit « Rabbana lakal hamd ». Notre Seigneur, à toi la louange. Et ça, dans la salat en groupe, il n'y a que l'imam qui dit Sami Allahu liman hamida, ou celui qui fait la salat tout seul. En groupe, les gens qui sont dirigés, ils disent Rabbana lakal hamd. Voilà ce qu'ils disent. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari et le Muslim. Et également, c'est un hadith, elle laisse apparaître qu'il est obligatoire de faire le takbir lors des changements de position. D'accord ? Lorsqu'on change de position, par exemple, on rentre, on fait le takbir. Lorsqu'on s'incline, on fait le takbir. Lorsqu'on se prosterne, on fait le takbir. Lorsqu'on se relève de la prostration, on fait le takbir. Al-Zalika. Le shir, se basant sur ce hadith, voit que cela est obligatoire. Car le shir n'a pas cité le hadith complètement, dans sa totalité. Dans le reste du hadith, cela est stipulé. Qal, ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنين بعد الجلوس أو من اثنتين بعد الجلوس. Donc dans la suite du hadith, il dit que ensuite il fait le takbir lorsqu'il descend, c'est-à-dire pour le sujoud. Ensuite il fait le takbir lorsqu'il lève sa tête, c'est-à-dire de sujoud. Ensuite, il fait le takbir lorsqu'il se prosterne une deuxième fois. Ensuite, il fait le takbir lorsqu'il lève sa tête de sujoud. Il fait cela dans toute sa salat jusqu'à ce qu'il la finisse. Donc le shir, lui, voit l'obligation de faire le takbir se basant sur ce hadith. Et c'est quoi la preuve? Car quelqu'un pourrait dire, mais ce hadith ne contient pas d'ordre, il n'y a pas de formule impérative. C'est tout simplement... Cheikh Abdurraqib dit que Cheikh Yahya se base sur le hadith général qui est apporté par Malik ibn Huwayrith fi Sahih al-Bukhari, sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la salat comme vous m'avez vu l'accomplir. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des choses dans la salat, il faut les faire comme lui l'a fait. Mais en réalité, dans le hadith stipulé là, la formule impérative n'y est pas clarifiée, mais elle se déduit par d'autres ahadiths, à côté comme celui-ci que nous venons de citer à l'instant. ثم نكمل بالمسألة التاسعة والسبعين التشهد في الصلاة وأصح سير التشهد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. Le tashahhud, après justement les deux prosternations, les deux rak'at, après la quatrième prosternation, le tashahhud dans la salat, qu'est-ce qu'on est dit? La façon la plus authentique pour le tashahhud, c'est le hadith apporté par Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsque l'un d'entre vous s'assoit dans la salat, qu'il dise, donc en arabe, parce que ça se dit en arabe toujours, hein, التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه. Donc c'est quoi la traduction? Les salutations sont à Allah ainsi que les salats et les bonnes choses. Paix sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction, c'est-à-dire sa baraka. Paix sur nous et sur les serviteurs d'Allah, vertueux. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, et je témoigne que Mohammed est le serviteur d'Allah, qui est son messager, apporté par Muslim et Bukhari. Donc d'autres versions du Tashahhud sont venues, mais celle-ci c'est la plus authentique, qui était apportée. Et là, on parle du premier tashahhud. Là, on parle du premier tashahhud et non pas du deuxième, du final, qui viendra, inshallah, dans le prochain dars. Bizna ta'ala. Donc, les trois masa'il qu'on a pris aujourd'hui sont les invocations à dire lors du recours et du sujoud. Après, on a pris que doit dire l'imam ou celui qui fait salat tout seul lorsqu'il se relève du recours. Et également que le takbirat de changement de position sont obligatoires, selon l'avis de Cheikh Yahya. D'ailleurs, cet avis, Cheikh Abdul Rakib rapporte qu'il n'y a pas que Cheikh Yahya qui l'a, il y a des salafs qui l'ont précédé. Parmi eux, il y a l'imam Ahmed et Ibn Hazm. Et c'est également le choix de l'imam Ibn Baz, rahimahumullah jami'an. Et pour finir, nous avons pris quelle est la chose à dire lors du tashahhud, le premier tashahhud. Naam. فبهذا هذا القدر نكتفي سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.